documents récents viennent de confirmer ce que l'on devinait depuis longtemps. À Londres, pendant la guerre, les rapports entre Français et Britanniques ont été tumultueux, sinon féroces. Et plus d'une fois, Winston Churchill a été tenté de se débarrasser de cet encombrant allié qui s'appelait Charles de Gaulle. Un allié qui, en outre, ne représentait pas grand-chose sur le plan militaire, mais dont la susceptibilité et l'irritabilité étaient inversement proportionnelles à son dénuement et à sa faiblesse. La victoire aidant, on a faim d'oublier, on a jeté un voile pudique sur ces affrontements. Mais, je vous l'ai dit, la publication récente de télégrammes de Churchill a jeté une lumière crue sur la vraie nature de la fraternité d'armes qui unissait le Premier ministre britannique au chef de la France libre. Et il est certain que jusqu'en octobre 1943, c'est-à-dire au moment où le général de Gaulle assoira définitivement son pouvoir sur toutes les forces de la France combattante, autant extérieure qu'intérieure, ses alliés anglo-saxons seront tentés de l'éliminer à plusieurs reprises. Monsieur X, qui m'a toujours affirmé avoir très vite rejoint Londres après les événements dramatiques de mai et juin 40, a été un témoin privilégié de quelques-unes de ces tentatives visant à éloigner de Gaulle. En fait, m'a-t-il dit cette semaine, en me recevant à nouveau, il y a eu une véritable conjuration contre de Gaulle, pour le supplanter bien sûr, mais qui se trouvait réellement derrière les conjurés? Qui les manipulait? Et pourquoi? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles M. X se propose de répondre au cours de cet entretien. Rendez-vous avec X. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Je vous en prie. Faut quand même bien se rappeler la situation de Gaulle lorsqu'il arrive à Londres. Général de brigade, à titre temporaire, il ne représente pratiquement que lui-même. Il a quand même été membre du gouvernement. Sous-ministre, oui. Ouais. Donc pas grand-chose. Et c'est un fantastique coup de poker qu'il joue en s'affirmant d'emblée comme le leader de tous ceux qui refusent la défaite et bientôt les conditions humiliantes de l'armistice. Vous savez très bien, son fameux appel du 18 juin diffusé sur les ondes anglaises sera très peu entendu. Sans doute, mais enfin, il a quand même valeur de symbole. Oui, là, vous avez raison. Et dès ce moment, De Gaulle prend date, mais il est quasiment seul. Et plus il est seul, plus il doit faire du bruit. Oui, c'est vrai. Mais il va quand même être rapidement rejoint par des hommes qui, comme lui, veulent continuer à se battre. Oui, mais combien sont-ils? En juin, il y a seulement 5 officiers supérieurs d'active à 5 galons qui choisissent avec lui le camp allié. C'est peu. Très peu. Et disons-le tout net, ce n'est pas fait pour encourager les autorités anglaises à lui faire confiance et à faire de lui un partenaire très écouté, même si c'est vrai, de Gaulle, avant son départ pour Londres, a noué des rapports relativement amicaux avec Churchill. Et parmi ces officiers supérieurs... Justement, c'est là où je voulais en venir. Ouais, ouais. Il y en a un qui est très remarquable. C'est Émile Muselier. Oui, l'amiral Muselier. Oui, Muselier est un marin qui sort un peu de l'ordinaire. Expliquez, là. Dans son corps encore pétri de tradition et peu enclin au progressisme. Mais la royale. La royale, oui. Ouais. Muselier est un anticonformiste notoire. On dit même, rendez-vous compte, que c'est un authentique républicain. Ah, effectivement. Émile Muselier n'est donc pas très bien vu, d'autant qu'il a appartenu autrefois au cabinet de Georges Clemenceau. C'est le vilain petit canard de la couvée. Oui, c'est à peu près ça. On l'appelle même l'amiral rouge. Parce qu'il est non seulement républicain, mais de gauche. Ben, c'est ce qu'on dit. Ah. Plus tard, on prétendra, même à tort, selon moi, qu'il était alors proche des communistes. Je dis à tort parce que Muselier a été l'un des seuls commandants de bord à résister efficacement aux mutineries de la mer Noire en 1917. Il a quand même fait une belle carrière, puisqu'il est amiral. Oui, parce qu'il était difficile de nier ses qualités. Muselier est un homme à poigne, un type dynamique, qui savait commander et organiser. C'était par ailleurs un homme jovial et sympathique qui appréciait les plaisirs de la vie et en particulier les jolies femmes. Ouais. J'ajoute que beaucoup de gens qui l'ont bien connu ont dit que Muselier avait un tempérament de corsaire. Intéressant. Et en 1940, avant l'armistice, que fait-il et où se trouve-t-il? Attendez. D'abord, en 1939, il est commandant du secteur maritime de Marseille. Darlan, son ex-camarade de promotion à naval, qui est alors le patron de la marine, le nomme vice-amiral. Mais c'est aussitôt pour le débarquer quelques jours plus tard et l'obliger à prendre d'office une retraite anticipée. Et pourtant, Muselier, alors quel âge? Moins de 60 ans. Et on met un chef de cette valeur à la retraite en plein conflit. Exactement. Darlan, à l'évidence, ne l'aimait pas. Peut-être même voyait-il en lui un rival. Et que fait l'amiral démobilisé? Contraint à l'inaction, il se reconvertit dans le privé comme ingénieur. Mais dès que les Allemands envahissent la France, il file vers Marseille où il embarque sur un charbonnier anglais. Son intention? Gagner l'Angleterre et continuer le combat. Mais le charbonnier fait escale à Gibraltar. Là se trouvent quelques bâtiments français. fort de ses galons, Muselier en prend d'autorité le commandement, et il rallie Londres. Pour rejoindre De Gaulle? Non. Non, je ne pense même pas qu'il ait entendu parler de ce général qui avait lancé un appel le 18 juin. Son idée à lui, c'est de s'engager aux côtés des Britanniques. Alors c'est donc à Londres qu'il découvre seulement l'existence de De Gaulle? Tout à fait. Mmh. Et fin juin, tout de suite après avoir rendu visite à l'amirauté britannique, il se présente au général qui le nomme presque immédiatement chef des forces françaises navales libres. Étant donné le peu d'officiers qui l'avaient rallié, De Gaulle n'avait guère le choix. Vous avez raison. Le général a tout de même compris qu'avec Muselier, c'était une recrue de choix qui se présentait. C'était, si je puis dire, son seul amiral. Alors que, entre parenthèses, la marine en comptait une bonne cinquantaine, ce qui en dit long sur l'état d'esprit des cadres de cette arme. Mmh. Et les rapports entre ces deux hommes? Disons-le franchement, ils ne seront jamais excellents. Mais pourquoi? Question de tempérament? C'est vrai que les deux hommes sont aussi ombrageux l'un que l'autre, mais il ne s'agit pas seulement de ça. Muselier a une dizaine d'années de plus que De Gaulle, et d'autre part, il est plus gradé que lui. Donc ça l'ennuie de se retrouver sous les ordres d'un simple général de brigade? Certainement, un biffin en plus. Et Muselier, le corsaire, au fond, se verrait bien à la place de De Gaulle. Mmh. Et cette rivalité, on peut parler de ça, va se manifester assez rapidement? Oui, mais ça ne va pas empêcher l'amiral, nouveau patron de notre marine libre, de mettre les bouchées doubles. Et il y a du travail. Il faut pratiquement partir de zéro. Bien sûr, puisqu'il n'y a rien, ou presque. Un petit noyau d'hommes, quelques cadres et encore moins de bâtiments. Et pourtant, Muselier, il faut le souligner, va faire des miracles. Il crée des écoles pour former les équipages, il fait remettre en état de vieux bateaux. Et dès l'été 40, des navires de guerre sous pavillon de la France libre prennent la mer et sont en état de combattre. C'est tout à fait remarquable. Une anecdote à ce propos. Je vous écoute. J'ai dit sous pavillon de la France libre. Il fallait bien singulariser ce pavillon tricolore. Hein. Pour le différencier du pavillon des troupes françaises restées fidèles à Vichy. Exactement. Et Muselier, à qui De Gaulle avait aussitôt donné les responsabilités de créer une aviation militaire, a inventé le drapeau à croix de Lorraine. Ah donc c'est pas De Gaulle? Non, c'est Muselier. Mmh. Et cette croix de Lorraine, à cause de Jeanne d'Arc? Plus prosaïquement, je crois qu'Émile Muselier a pensé à son père qui était lorrain. Ouais. Bon, revenons quand même à des choses plus sérieuses. Parce que, quand apparaissent les premières dissensions entre Muselier et De Gaulle? Je vous ai dit qu'ils avaient tous les deux des caractères difficiles. Il y avait aussi autre chose de plus profond. Muselier était un républicain de conviction. Et par principe, il se méfiait de ce général qui s'était en somme autoproclamé chef de la France libre. C'est-à-dire qu'il doutait des convictions républicaines de De Gaulle? Ses craintes pouvaient être légitimes. Le général, il ne faut jamais l'oublier, venait d'une famille maurrassienne. Et Muselier, qui connaissait l'armée, savait fort bien que les convictions démocratiques des officiers supérieurs étaient sujettes à caution. Par conséquent, il était tentant de voir dans ce général autoritaire et cassant une sorte de dictateur en puissance, ou plus méchamment, un autre général Boulanger. Mmh. Il y avait aussi les gens qui tournaient autour du général. C'est juste, à tort ou à raison, et plus souvent à tort qu'à raison, certains des hommes qui avaient rallié De Gaulle étaient soupçonnés d'avoir été des cagoulards. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé à propos de Passy. Passy, qui va bientôt prendre en charge les services de renseignement de la France libre. Oui, alors c'est vrai, il y avait des gens qui avaient flirté avec la cagoule ou même appartenu à cette organisation secrète d'extrême droite. Pas Passy, en tout cas. Hein. Non, pas Passy. Mais il y avait aussi, autour de De Gaulle, d'authentiques hommes de gauche. René Cassin, par exemple. Donc c'était un mauvais procès? Absolument. Mais il ne faut aucun doute que ces rumeurs ont été sciemment diffusées. Ah, par qui, alors? Par des gens qui vont justement exacerber l'antagonisme latent entre Muselier et De Gaulle, et qui vont bien entendu s'en servir. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Il est certain que l'amiral Muselier ne pouvait pas laisser indifférent. Jean-Louis Crémieux-Briac, dans son remarquable livre sur la France libre paru chez Gallimard tout récemment, et Jean Lacouture dans sa biographie du général de Gaulle éditée au Seuil, en dresse des portraits très fouillés. Lacouture écrit en particulier que cet homme, volubile et preste, galopait d'une bonne fortune à une prouesse et ne cessait de chercher à plaire que pour jeter un gant dans la figure d'un importun ou d'un rival. Et Lacouture ajoute: son plus joli portrait est dû à Edgar de Larmina. Muselier, c'est un type. Celui du marin de Méditerranée orientale qui s'est trompé d'époque, la sienne étant celle d'Othello. Il eut fait un remarquable amiral au service de la République de Venise. Ses dons de marin, de corsaire et de négociateur n'eurent guère leur emploi. C'est le marin levantin, la hanche et l'œil lourd, qu'on voit très bien faire un peu de danse du ventre sur la table en fin de bordée. Et Lacouture, citant Alain Savary, qui a été son aide de camp, souligne que la plupart des marins qui ont rallié la France libre l'ont fait par fidélité personnelle à l'amiral Muselier. Alors, qui sont ces gens qui se sont servis de l'antagonisme entre Muselier et De Gaulle? Ils étaient nombreux et n'appartenaient pas toujours au même camp. On va voir ça un peu plus tard, si vous le permettez. Mais tous poursuivaient le même but. C'est-à-dire ? Se débarrasser du général de Gaulle. Ouais, mais comment ? Bah, j'y viens. La première offensive va avoir lieu très tôt, fin août 1940. Vous devez le savoir, le général s'embarque pour l'Afrique. Son objectif, c'est de rallier à la France libre nos possessions coloniales. Malheureusement, cette première tentative se traduira par un échec. Oui, Dakar. Dakar, oui. Les vichistes vont refuser de s'incliner et vont même ouvrir le feu sur les bâtiments alliés. Ouais, c'est une grave défaite pour le général. Mais une véritable humiliation, car les Britanniques ont été témoins de cet échec. Mais là où je voulais en venir, c'est que De Gaulle, absent de Londres pendant plusieurs semaines, a dû déléguer ses pouvoirs. À qui Justement, comme il se méfie de Muselier, le général a pris soin de fragmenter le commandement. Ouais, diviser pour mieux régner. Ouais, c'est à peu près ça. Ainsi, l'amiral, c'est logique, se voit chargé d'assurer le commandement de toutes les forces militaires françaises stationnées en Grande-Bretagne. Ouais. Mais le général a pris soin de confier à Passy les fonctions de chef d'état-major. Alors, Passy, qui est donc, au fond, chargé de surveiller Muselier au nom du général. Oui, d'autre part, il a placé les services civils sous les ordres d'un nouveau venu à Londres, un polytechnicien, le commandant Fontaine. Le résultat, c'est que chacun, jaloux de sa propre autorité, va essayer de s'octroyer le maximum de pouvoir. Et de profiter de l'absence du général de Gaulle. Naturellement. Mmh. Et l'amiral Muselier, en particulier, va multiplier les initiatives. Quelles initiatives ? Bah, ce serait trop long de les énumérer, mais visiblement, Muselier agit, en particulier vis-à-vis des autorités britanniques, comme s'il était le chef de la France libre. Et ça prend de telles proportions que de Gaulle, informé par Passy, est obligé de le rappeler à l'ordre. Quelle façon il, bah, il lui envoie une dépêche cinglante. En gros, il lui demande de respecter la discipline et de se contenter de s'occuper des questions militaires. Mmh. Et tel que vous m'avez décrit le caractère de l'amiral Muselier, cette réprimande doit passer assez mal. Tout à fait. Muselier, c'est clair, ne supporte pas qu'on lui parle comme ça. Lui qui, je vous le rappelle, est non seulement plus âgé que De Gaulle, mais plus gradé. Mmh. Alors, on va vers la rupture ? Pas encore, non. Mais on s'y prépare, c'est sûr. Mmh. Et ce « on » dont vous parlez, c'est qui ? L'entourage de Muselier. Ici, il faut que je vous parle d'un personnage singulier, André Labarthe. Oui, Labarthe, c'est le journaliste qui a créé, après-guerre, la revue Constellation. Lui-même. C'est ça, hein ? Constellation, qui était une réplique du magazine américain Reader Digest. Mmh. Oui, mais une réplique dont l'objectif était clairement de lutter contre l'influence de la revue américaine jugée trop atlantique. Non, vous avez raison. Et ça correspond bien à ce que nous savons de Labarthe. Mais n'allons pas trop vite. Alors, qui était-il ? Un personnage singulier, m'avez-vous dit ? Absolument. Je vous assure qu'on pouvait difficilement l'oublier lorsqu'on l'avait rencontré une seule fois. Si je comprends bien, vous l'avez donc connu. À l'époque, quand on passait par Londres ou plus tard à Alger, on ne pouvait pas ne pas croiser Labarthe. Ouais, alors, très bien, alors racontez-moi. Alors, Labarthe, quand il arrive à Londres, approche de la quarantaine. C'est un type très brillant, très turbulent aussi. Un peu touche-à-tout, si vous voyez ce que je veux dire. À l'origine, c'est un scientifique. Je crois même, mais allez savoir avec un tel personnage, qu'il était docteur en sciences et spécialisé en physique mécanique. Vous avez l'air de dire là, que Labarthe pouvait éventuellement affabuler ? C'est certain. En tout cas, en dehors de sa carrière scientifique, il est aussi démangé par le démon politique. Il s'engage Oui, il appartient à je ne sais plus quel cabinet ministériel un peu après 1936. 36, donc il s'engage à gauche. Incontestablement. C'est un militant antifasciste de la première heure. Il se rapproche d'un homme comme Jean Moulin, par exemple. En tout cas, en 1940, juste avant la débâcle, il est directeur de l'office de recherche et d'invention et il a la haute main sur quelques laboratoires du CNRS. Et lui aussi va rejoindre Londres ? Dans les tout premiers, oui. Et ce personnage bavard et vibrionnant attire très vite l'attention du général de Gaulle. Pour quelle raison ? Il a d'abord une raison toute bête. D'emblée, le général le trouve très sympathique. Pourtant, il ne doit pas avoir grand-chose en commun. C'est vrai. Mais enfin, c'est ainsi. Et peut-être même que le général est amusé par un type si différent de tous ceux qu'il a pu fréquenter jusqu'alors. Mais peut-être une raison plus sérieuse ? Oui. La deuxième raison, c'est que de Gaulle veut rassembler auprès de lui des scientifiques et des ingénieurs. Et il nomme Labarthe directeur de l'armement, à charge pour lui de créer des laboratoires et de faire fabriquer des armes. Mmh. C'est donc que le général lui accorde une grande confiance. Certainement, mais ça va se gâter très vite. Mmh. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'avant de partir pour l'Afrique, de Gaulle a confié les affaires civiles à un polytechnicien. Fontaine, c'est ça ? Oui. Or, par force, ce Fontaine devient le supérieur hiérarchique de Labarthe. Et ce dernier n'accepte pas cette férule. Et le conflit éclate quelques jours après le départ du général. À propos de quoi ? Bon, honnêtement, je ne m'en souviens plus. Puis ça n'a guère d'importance. Ça ne pouvait pas coller entre ce Fontaine qui avait eu d'importantes responsabilités dans de grosses sociétés et ce trublion de Labarthe. Et d'abord pour des raisons quasi idéologiques. Fontaine, pour Labarthe, homme de gauche, était un parfait représentant du grand patronat. Donc le conflit éclate. Et de Gaulle, qui ne peut pas désavouer cet administrateur qu'il vient à peine de nommer, choisit de se passer de Labarthe et désigne un autre directeur de l'armement. Rupture. Et aussitôt, Labarthe rejoint le petit groupe des Français exilés à Londres, qui déjà s'oppose au général de Gaulle. Des gens qui ne sont pas hostiles par principe au général, mais qui considèrent que militaire, il ne devrait s'occuper que des affaires militaires. Mm. Ces opposants-là, qui sont-ils? Mais il y a des diplomates, et surtout des hommes de presse. La plupart, bien évidemment, sont des gens de gauche, les plus méfiants vis-à-vis de tous ceux qui portent un képi. Mm-hmm. Cette opposition-là, elle se traduit comment? Dans la presse. Cette presse où Labarthe va aussitôt jouer un rôle éminent, puisqu'il est l'un des créateurs, aux côtés de Raymond Aron, d'un brillant mensuel qui s'intitule La France Libre. Mais il y a aussi un quotidien, La France, qui va obtenir un grand succès. Et ce sont deux journaux anti-gaullistes? Pas systématiquement. Mais c'est vrai que souvent, on y trouvera des articles qui exprimeront une méfiance certaine vis-à-vis du général. Mais ses opposants ne se contentent pas d'écrire. Ils jouent aussi un rôle influent auprès des Anglais. Et ils concourent, sciemment ou pas, à convaincre nos alliés que, décidément, ça ne tourne pas très rond dans les cercles de la France libre. Oui, c'est la pagaille, quoi. La pagaille et les zizanies. Ouais. Mais là, nous avons perdu de vue depuis un petit moment l'amiral Muselier. Lui aussi va rejoindre le camp de ses opposants? Presque naturellement, oui. Et d'abord parce que dans le conflit qui opposait Fontaine à Labarthe, il a choisi ouvertement de soutenir ce dernier. Contre De Gaulle et son représentant. Tout à fait. Il y a donc, on peut le dire, une réelle tentative de déstabiliser le général? Oui, et Muselier et Labarthe y participent. Or, mais ça, l'amiral ne le sait certainement pas, Labarthe est un personnage à plusieurs facettes. Cache son jeu. Le cache d'autant mieux que, dès cette époque, il collabore à un service de renseignement étranger. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Dans un livre de souvenirs, le colonel Passy a dressé ce portrait très vivant d'André Labarthe. Je le cite. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il semblait une étrange figure. Très brun, mince et de taille moyenne, 40 ans environ. Le visage régulier et particulièrement mobile, mélange de Don Juan de salon et de bonneteur napolitain. Il dispensait un indéniable charme étayé par une intarissable faconde et un extraordinaire don de mime. Les récits qu'il fait, les aventures qu'il raconte, ou plus souvent qu'il imagine, sont toujours colorés d'une infinité de détails piquants qui s'accumulent et s'embellissent tout au long des jours qui passent. Son père fut-il facteur, sa mère garde-barrière? Je ne l'ai jamais su vraiment, mais 10 fois j'ai entendu leurs descriptions avec des touches toujours nouvelles qui ajoutaient de l'émotion à de fort vivantes peintures. Souvent, ils se contredisaient, mais qui eût résisté au brio de ses monologues qui faisaient naître des mythes auxquels seul ou presque il croyait, ne fût-ce qu'un instant, mais qui puisaient en son verbe éloquent et coloré les apparences d'une vie réelle, sinon toujours vraisemblable. Mais est-ce que cet homme pittoresque était aussi un agent d'un service étranger, comme l'affirme M. X? Ce sont les Anglais qui ont soupçonné les premiers Labarthe. La confirmation est venue beaucoup plus tard, des années après la fin de la guerre. Labarthe, d'après vous, était donc un agent? Un agent? Oui, l'enfant, on peut dire ça, même si, dans le cas de cet homme singulier, il ne s'agissait, somme toute, que de rester fidèle à ses idées et à la patrie du socialisme, comme on disait alors. Ouais, donc, un agent de l'Est. Tout à fait. Ouais. Et à la fin de sa vie, Labarthe lui-même l'a reconnu, sans être inquiété d'ailleurs. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Alors, quand en 1940, il concourt... M'avez-vous dit, à déstabiliser le général de Gaulle, il travaille pour ses amis de Moscou? Non, ça je ne le crois pas. Vous m'étonnez là. Mais non, Labarthe, agent de l'Est, aurait eu au contraire intérêt à rester auprès du chef de la France libre. Il occupait en effet un poste de premier plan. Ah, j'avoue que je ne comprends pas. Bon, c'est vrai que c'est très étrange. Et puis, pourquoi Moscou à l'époque aurait choisi Muselier plutôt que de Gaulle? Ça n'avait pas grand sens. Ah ben, quand même, l'amiral, vous m'avez dit, était un homme de gauche, lui. Ouais, enfin, pour Staline, ça n'avait aucune importance, vous le savez bien. Ouais, alors, conclusion, alors? Eh bien, ici comme ailleurs, je crois qu'il faut faire la part de l'humain. Labarthe n'a pas agi comme un agent, mais comme un homme ordinaire, blessé et contrarié dans ses ambitions. Et pourtant, vous avez dit qu'il y avait quelqu'un derrière cette conspiration contre le général. C'est exact. Alors, voyons la suite. De Gaulle revient d'Afrique, remet un peu d'ordre dans la maison, mais patatras, dès le tout début de 1941, une nouvelle et grave affaire secoue le petit monde de la France libre. Expliquez-la, quoi? Muselier est arrêté par les Britanniques et incarcéré. Incarcéré? Mais sur quel motif? L'amiral est accusé de trahison au profit de Vichy. Écoutez, étant donné ce que vous avez dit de la personnalité de l'amiral, ça me paraît peu vraisemblable. Oui, mais enfin, il n'empêche que les policiers anglais détiennent des preuves, des documents accablants. Et le général, comment il réagit? Il est d'abord abasourdi, même ébranlé. C'est-à-dire qu'il croit, enfin, ne serait-ce qu'un moment, à la trahison de Muselier? Oui. Et bien sûr, l'amiral ne lui pardonnera jamais. Mais assez vite quand même, le général, après avoir demandé communication des pièces qui accusent Muselier, réagit très violemment. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait étudier ses documents et que ceux-ci ne se révèlent être des faux. Bon, alors, la question essentielle, qui les a fabriqués? Le coupable est assez vite identifié. Et c'est très embarrassant. parce que c'est le chef de la sécurité de Carlton Gardens, c'est-à-dire le siège même de la France libre, là où De Gaulle a ses bureaux. C'est-à-dire qu'on peut légitimement penser que le coup a été fomenté par les milieux gaullistes. Évidemment. Et c'est le véritable objectif des auteurs de cette machination. Une machination qui vise à introduire un peu plus de désordre dans les cercles de la France libre, et surtout à creuser le fossé entre ses deux membres les plus éminents, De Gaulle et Muselier. Bon, alors... Bon, d'accord, mais... Qui sont les manipulateurs, alors? Non, encore un petit peu de patience, monsieur. Oh. Car la machination va se poursuivre. Muselier est libéré, quand même. Bien sûr. Avec les excuses du gouvernement britannique. Enfin, il n'empêche, l'affaire, vous le pensez bien, va laisser des traces indélébiles. La suite, alors? On va faire en sorte d'attiser l'ambition de l'amiral Muselier. Ouais, peut-être pas besoin qu'on l'aide pour ça. C'est vrai qu'il range son frein, que la tutelle de Gaulle lui paraît de plus en plus pesante, mais enfin, derrière, on le pousse, quand même. La Barthe? La Barthe, oui, et son chef d'état-major, Moulec. Mais l'amiral ne se lancerait pas dans l'aventure s'il ne se sentait pas soutenu. De quoi s'agit-il cette fois-ci, alors? Bah, de s'assurer de la direction politique de la France libre. C'est-à-dire de pousser De Gaulle vers la sortie? On peut voir les choses comme ça. Et dès le mois de mars 1941, Muselier jette le masque. Il propose au général de créer un comité de coordination de la France libre. Un comité qu'il présiderait en sa qualité d'officier le plus gradé. Et De Gaulle, lui, non, s'il viendrait? Bah, ce comité serait placé sous son haut patronage en tant que chef historique des Français libres. Oui, mais la réalité du pouvoir serait dans les mains de Muselier. Évidemment, et comme vous l'imaginez, la réaction du général ne se fait pas attendre. C'est un niet absolu. Ouais. Est-ce que pour autant Muselier et ceux qui l'encouragent renoncent? Bah, bien sûr que non. Il se développe alors à Londres une campagne très insidieuse. À l'initiative de l'amiral? Pas directement, même si certains de ses proches y sont associés. Il s'agit de présenter le général de Gaulle comme un dictateur en devenir, un fasciste en amont. Ouais. Et cette campagne porte réellement? Oui. Oui, dans les milieux politiques britanniques, on s'émeut. Il faut dire que l'amiral Muselier est un agent électoral très efficace. C'est qui ça? Une charmante anglaise qui a beaucoup d'amitié, sinon plus, pour le marin français. Richissime. Mrs. Michaelis est très influente et connaît tout le personnel politique britannique. C'est clair. Elle et ses amis encouragent franchement Muselier à tenter une révolution de palais. Et donc à chasser De Gaulle. Et une nouvelle fois, on refait le coup du comité. Et encore le comité de la France libre. Un comité qui permettrait de diluer le pouvoir du général. Et dans cet organisme qui serait naturellement présidé par l'amiral, on trouve candidat au poste de directeur politique l'inévitable Labarthe. Labarthe qui est donc l'une des âmes de la conjuration. Bien sûr. Et là... Alors, soyons clairs, agit-il pour lui-même ou à l'instigation de Moscou, dont il est un agent? Ben là, encore une fois, je ne sais pas. Et je le répète, je ne vois pas l'intérêt de Staline dans cette affaire. C'est pourquoi je reste circonspect. Et le résultat de cette conjuration? Muselier vient personnellement informer De Gaulle de son projet de comité, aussitôt le général riposte. Comment? Ben, en créant son propre comité national. En fait, il veut contraindre Muselier à la faute. Et l'amiral va tomber dans le piège. Le piège? Muselier est contré par De Gaulle en appel aux Britanniques. Il le menace de placer la flotte qu'il commande sous l'autorité de l'amirauté britannique. Le général ne peut pas laisser passer cette tentative de chantage et il va passer en force. C'est-à-dire? Bah, à son tour, il fait pression sur les Anglais. Le gouvernement de Sa Majesté essaie d'arbitrer entre les deux hommes. Mais De Gaulle est le plus fort, le plus politique aussi. Et c'est son comité national qui va finalement être reconnu et deviendra l'embryon du futur gouvernement provisoire de la France libre. Muselier est exclu? Non. Mais il ne reçoit que le portefeuille de la marine. Et tous les autres membres sont des fidèles du général. Est-ce que l'amiral va en rester là? Non, il y aura encore un épisode en 1942, après la libération de Saint-Pierre-et-Miquelon. Racontez-moi ça. Contre les recommandations des États-Unis qui viennent d'entrer en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, De Gaulle envoie l'amiral chasser l'administration vichiste de Saint-Pierre. L'opération est un grand succès. Mais à son retour à Londres, Muselier comprend qu'il a été piégé par De Gaulle. Encore piégé, quoi? Oui. Il affirme publiquement qu'il ne savait pas que cette libération de Saint-Pierre avait été entreprise en dépit de l'hostilité des Américains. Et dans la foulée, il démissionne, pensant ainsi déclencher une crise. Mais cette fois-ci, il a bien perdu, car De Gaulle accepte sa démission. Et les Anglais? Ben, ils n'y peuvent rien, d'autant que Muselier va commettre une erreur fatale en appelant les équipages à observer une sorte de grève. Mais c'est un appel à la désobéissance. Oui. Les Britanniques ne peuvent soutenir ce qui s'apparente à une mutinerie. Et ils lâchent Muselier. L'amiral a définitivement perdu. Bon, on peut peut-être maintenant essayer d'y voir un peu plus clair. Il me semble que vous accusez les Anglais d'avoir manipulé Muselier. Bien évidemment. Ouais. Mais vous avez des preuves? Vous savez, dans ce genre d'affaires, les preuves sont difficiles à apporter. Mais le chef de la sécurité de Carlton Gardens... L'homme qui a fabriqué les faux documents destinés à accuser Muselier. Oui, c'est ça. Et donc a semé le trouble en faisant accuser les gaullistes. Eh bien, cet homme était un agent du contre-espionnage britannique, le MI5. Donc ce sont les Anglais. J'en suis persuadé. Churchill avait de l'estime pour De Gaulle. Mais il en avait assez, il était là de composer avec cet allié intraitable. Il était donc décidé à l'éliminer. Ou à tout le moins à réduire son influence. J'imagine que le premier ministre britannique devait souvent se dire que les choses seraient beaucoup plus faciles si les troupes françaises étaient purement et simplement intégrées aux forces anglaises. Ouais, donc il a poussé l'amiral Muselier. Oui. Mmh. Mais est-ce qu'il a vraiment pensé à faire remplacer De Gaulle par Muselier ? Sérieusement, non. De Gaulle était irremplaçable. Ou plutôt, il s'était rendu irremplaçable. Ouais. D'autre part, les services anglais savaient parfaitement qui était l'amiral. Un homme courageux, talentueux, un vrai chef de guerre, mais certainement pas un chef politique. Ouais. Donc, Churchill s'est simplement servi de Muselier. C'est la vérité. Et nous le savons aujourd'hui, Churchill personnellement a approuvé, sinon initié, les tentatives visant à écarter De Gaulle. L'implication britannique dans cette affaire semble en effet aujourd'hui évidente. Churchill, par exemple, avait encouragé Muselier à créer un comité exécutif de la France libre dont il aurait été le président. Et le général de Gaulle, naturellement, ignorait ce point. Autre confirmation, je la trouve dans la biographie du général par Jean Lacouture. Jusqu'au bout, les Britanniques ont tenté de soutenir l'amiral et ont plaidé sa cause, alors même que de Gaulle avait réussi à l'éloigner et obtenir sa démission après l'épisode de Saint-Pierre et Miquelon. Lacouture écrit. Muselier en appela à l'intervention anglaise. Son ami, l'amiral Dickens et Mrs. Michaelis, mirent en branle le gouvernement et l'amirauté, et le 6 mars, le général de Gaulle reçut la visite conjointe des deux plus imposants personnages du cabinet de guerre, le Foreign Secretary Anthony Eden et le premier lord de l'amirauté, Victor Alexander, venus lui signifier que le gouvernement de Sa Majesté exigeait le maintien de l'amiral Muselier à la tête de la marine des Français libres. S'ils avaient voulu ruiner les dernières chances d'entente avec Muselier, les dirigeants britanniques ne s'y seraient pas pris autrement. Tout à fait autre chose. Il y a quelques semaines, M. X a évoqué le raisonnement, en 1956, de l'avion des leaders FLN par les militaires français. Il affirmait que cette opération entreprise à l'insu du gouvernement avait eu une conséquence dramatique au Maroc, où 30 Français avaient été massacrés en représailles. Une auditrice, Madame Van Troyen, qui se trouvait alors à Meknès, affirme qu'il n'y a pas eu 30 morts, mais une centaine. Toutefois, elle remercie M. X d'avoir parlé de cette affaire volontairement tue. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur Internet et nous écrire www.franceinter.com.